c'est dur hein, de raconter 40 ans en 10 minutes. Ma rencontre avec lui. En réalité, pour faire la rencontre, je pense que comment est-ce que je l'ai rencontré, faut déjà je vous mette un peu dans un contexte familial d'où je viens. Je suis né à Saint-Henri. J'ai pas grandi là, par contre, ma mère venait de Sherbrooke et ma famille aussi, donc on est déménagé à Sherbrooke tout de suite, très très jeune. Mais je me souviens d'avoir habité chez ma tante, elle habitait à côté de la voie ferrée. C'était pas possible de dormir. le train passait là. Et donc, c'était assez pauvre aussi comme endroit. Et mon oncle, mon parrain, avait... son mari avait une CB, puis il avait une base dans la maison. Puis elle me disait qu'il conduisait un avion, puis moi, je parlais avec lui dans l'avion. C'était vraiment drôle. Ça, c'était très jeune. C'était un peu avant l'âge de 4 ans. Là. C'est mon plus jeune souvenir, si on peut dire. J'ai grandi dans une famille assez dysfonctionnelle. Ma mère était très violente. Mon père est parti chez moi, j'avais 4 ans. Ma mère était très violente. Son mari était... un dictateur très dur. Et donc, on a subi toutes sortes d'agressions familiales dans la maison. Ça dit sens. C'est ça. Donc, très jeune, j'ai appris ce que c'était que de se protéger. À l'école, j'étais le bouc émissaire. Très jeune, j'ai appris que si quelqu'un me regarde de travers, je casse la gueule, ça règle le problème tout de suite. Donc, c'était ça. Ici, regardait ma blonde, je le knockais sur la rue sans qu'il y ait rien le temps de dire. C'était comme ça. Donc, j'étais très violent, c'était très violent chez moi. J'ai subi des multiples agressions sexuelles de l'âge de 5 ans à l'âge de 15 ans. Donc, ça, c'est un peu mon background, si on peut dire. À 16 ans, 15 ans, je fais une rencontre extraordinaire. J'étais assis dans la rue, sur la rue Ledoux, avec des amis, et puis on discutait, et puis c'était l'été, et tout d'un coup, il y a un éclair de fou qui arrive là sur le mur d'un édifice. Donc forcément, quand tu vois un éclair comme ça, ça a fait un bruit comme un tonnerre en même temps. Là. On s'est tous attroupés. Et c'est un de mes amis qui avait voulu installer une antenne de CB. Quand moi j'étais jeune, il n'y avait pas d'internet, hein. Donc comment on voulait communiquer, hein? On était tous des amateurs de CB. Moi j'avais une base de CB chez moi. Ça s'appelait la base lunaire. Puis j'étais pas mal dans la lune. Et j'avais une CB, puis je communiquais, et puis j'avais enregistré mes lettres au CRTC. J'avais un permis de communiquer avec ça. J'étais en train de faire un cours pour devenir radioamateur. Donc, j'aimais énormément ça. Et j'avais un autre ami qui voulait faire ça. Il a installé une antenne de CB sur un poteau de corde à linge. Hein. Il voulait pouvoir en capter mieux. Et puis, on habitait tous dans des blocs. C'est ça, des blocs. C'était pas des HLM, là, mais c'était toute une rue de blocs. Donc, un poteau de corde à linge. Mais son antenne a entré dans le champ magnétique du câble de 25 000 volts. Donc, il était au courant là qu'il fallait pas faire ça. Après. Ça l'a électrocuté, c'est ça qui a fait le choc et puis qui nous a attroupés autour de lui. Et puis, moi j'avais des cours de secourisme, j'étais d'un cadet, donc quand il est tombé là, je suis venu pour aller voir, mais ma mère elle voulait pas que je le touche, elle avait peur qu'il y avait encore d'électricité en lui. T'sais. Donc, alors elle voulait pas du tout. Donc, il y avait une jeune fille à côté de moi qui me dit. Pourquoi tu voulais y aller, tu sais. Puis là, j'ai dit que j'avais des cours de secourisme et tout ça. Et je me suis présenté. Puis son nom, c'était Lynn Renaud. Donc, à 15 ans, j'ai rencontré Lynn. C'est devenu ma meilleure amie. Donc, moi, je suis déménagé. Lynn habitait toujours le quartier. Ses parents venaient de se divorcer. Et elle arrivait de Montréal. Et puis, on a cheminé ensemble. À 16 ans, on a commencé à sortir ensemble et on s'est mariés à 21 ans. Donc, dans la vingtaine, à 21 ans, Lynn venait de finir l'université. Moi, j'allais rentrer à l'université parce qu'avec tout ça, l'école, c'est pas fait pour des gars comme moi. C'est bien compliqué. Alors, j'ai fait 3 fois mon secondaire 3 persévérer, ceux qui échouent, là, ça marche, hein, vous pouvez y arriver. Donc, j'ai fait trois fois mon secondaire 3, et puis, ben donc, Lynn, elle, était rendue à l'université, moi, je rentrais au cégep, et quand Lynn finissait l'université, ben moi, je la commençais. Et donc, on est déménagé ici à Montréal. Et je me cherchais un job avant de rentrer, j'allais rentrer à l'ETS, à l'École de technologie supérieure en génie civil, et je me cherchais un job entre septembre et janvier. Donc, j'ai cherché un peu. Lynn travaillait, elle, pour provisoire. Et puis, moi, je suis pas quelqu'un qui est capable de rester à la maison à regarder la TV. Là. C'est pas dans mon tempérament. C'est, les divans s'usent trop vite. Et je bouge dessus. Donc, en me cherchant un emploi, j'ai trouvé qu'ils cherchaient des vendeurs pour Grolier. Donc, j'étais allé à l'entrevue. Ils ont expliqué l'affaire. Et puis, je trouvais ça assez intéressant. Tu vendais une encyclopédie, ça te donnait 250$. Bon, je disais, j'en vends une par semaine, puis je fais 250$, ça va à peine. Bon, il avait pas dit toutes les dépenses qu'il y avait associées à ce genre de choses-là, mais fait qu'en réalité, il fallait t'en vendre 4-5 par semaine pour rentrer dans ton argent. Parce qu'on vendait pas ça à Montréal, on vendait ça en région. Et là, il fallait payer l'hôtel et tout ça. Donc, c'était quand même pas simple. Mais sur ça, ben y a un homme qui s'est mis à vendre des encyclopédies qui a joint l'équipe avec nous. Moi, c'était plus une job d'étudiant, tu sais, tu fais pas ça pour gagner ta vie, à moins que tu sois le boss. Qu'on était en région, il trouvait une église quelque part, puis il allait là, puis il lisait sa Bible. C'était moi le meilleur vendeur, mais c'est à lui qu'on posait des questions. Donc, c'est moi qui avais les meilleurs résultats, mais c'est à lui qu'on demandait comment tu fais. Mais parce que lui, il avait des résultats durables, et puis les miens... j'avais un taux d'annulation assez élevé. Donc, fait que j'étais bon pour faire de la pression pour qu'il signe avant que je parte. Il appelait dans les 10 jours pour canceller. Donc, cet homme-là s'appelait et s'appelle toujours Michel Bourque. Et un soir d'Halloween 91, on montait à Rouyn-Noranda. C'est le meilleur temps pour voyager parce que tu peux pas faire de porte-à-porte un jour d'Halloween. T'es trop dérangé. Alors, on est monté à Amos ce soir-là, et puis rendu à l'hôtel, Michel et moi, on partageait la même chambre d'hôtel. Ce soir-là, j'ai dit, toi, t'as l'air d'avoir un Dieu différent du mien. Alors, si t'es un bon vendeur, tu vas me vendre ton Dieu. Fait que là, Michel était très surpris de la question, il s'attendait pas à ça du tout. Et il s'est levé de son lit et s'est mis à me parler de son Jésus. C'était possessif, son affaire. Tu sais, c'était pas le Dieu, la création. C'était pas un Dieu impersonnel. C'était son Jésus. Et vraiment, c'était possessif. Tu sais, c'était comme, tu me l'enlèveras pas. Tu sais. Mais c'était pas ça qu'il faisait, mais tu sais, c'était tellement possessif que ça donnait cette impression-là. Tu peux pas me l'enlever. Tu sais. Donc, il répondait à mes questions. Toujours la Bible en main. Donc, j'avais les croyances populaires du temps. Je sais pas si c'est toujours comme ça, mais l'enfer, on vit ça sur Terre. T'sais. L'enfer, c'est sur Terre, on va tous aller au ciel. Donc, puis là, ben, il me montrait dans la parole de Dieu qu'est-ce qu'il y avait. Il répondait à d'autres genres de questions du genre, pour moi, je lui ai dit, je veux pas choquer personne, là, mais c'était ce que je croyais. Jésus est forcément homosexuel. Donc, celle-là ébranle un peu. De quoi tu parles? Ben, il a passé sa vie avec 12 hommes, il est forcément gay. Tu passes pas ta vie avec 12 hommes comme ça. Et là, il m'a montré dans la parole comment les femmes étaient là avec lui, comment il y avait des amis et tout ça. Et c'était toujours avec la Bible à la main. Il lisait pas pour moi, il me disait « Lis ça, lis ça, lis ça. » Donc, c'était très intéressant comme conversation. Après 2 heures, là, il fallait qu'on se lève tôt le lendemain matin. Donc, on a dit, on va se coucher. J'étais couché dans mon lit. Et puis, j'ai dit, laisse les dons parler, lui, avec son Jésus. Et là, il m'est arrivé cette rencontre. C'est peut-être très égoïste et pas grand-chose ou peu importe, mais c'est la manière dont Dieu est venu me rencontrer. Moi, j'ai eu peur d'aller en enfer. Je me suis vu en enfer. Parce qu'il m'expliquait, tu sais, l'enfer, c'est long. Hein? Surtout quand ça tire sur la fin. Ça devient long. Et il me disait, il dit, imagine ça comme ça. Là, on parle de 1991. L'enfer, c'est ta peau brûle, hein, au premier degré, mais elle se consume pas. Et ça, c'est éternel. Fait que c'est assez épeurant comme concept, tu sais, parce que je sais pas si vous avez déjà subi une brûlure au premier degré, c'est la brûlure la plus douloureuse, parce que après ça, les nerfs, ils sont brûlés, donc on les sent plus. C'est la brûlure la plus douloureuse, c'est le premier degré. Imagine ça pour l'éternité, ça me tente pas. Donc, je me suis vu en train de brûler en enfer, puis je me suis dit, OK, si le seul moyen que j'ai de pas aller là, c'est d'accepter son Jésus, ben, je vais le faire. Donc, ce soir-là, j'ai dit à Dieu, comme ça, écoute, je te connais pas, je sais pas qui que t'es, mais si tu peux m'éviter d'aller là, ben, fais quelque chose dans ma vie. Viens me voir. Viens en moi. Et j'ai fait cette prière-là tout seul. Le lendemain matin, j'ai dit à Michel que j'avais prié comme ça. Puis il a fait un geste que personne n'avait jamais fait pour moi. Il m'a donné sa Bible. Il me l'a pas donné, il me l'a prêté. Mais juste le fait de me dire, tiens, le temps qu'on est ici là à Amos, lis ça. Donc c'était un geste très apprécié pour moi. J'ai appelé ma femme, j'ai dit que j'étais en train de lire un livre, j'avais jamais lu une bande dessinée de ma vie. Je suis dyslexique, c'est très douloureux pour moi de lire. Hein. Je préfère la flagellation de loin à la lecture. Hein. Donc, alors, de lire la Bible, c'était assez fastidieux. Et elle m'a dit, qu'est-ce qui peut être assez intéressant pour toi à lire? Et j'ai dit la Bible. Donc là, elle me dit, dans quoi tu t'es laissé encore embarquer? Là, je dis, regarde, je m'en arrive à la maison, puis je t'expliquerai. J'ai dit, t'en fais pas, il n'y a rien de dramatique. Donc, je suis arrivé à la maison, j'y ai parlé de ma relation qui avait commencé avec Jésus. Et c'est comme ça que Christ a croisé ma route et qui a commencé à être plus présent sur mon chemin, dans ma vie. Et j'étais pas en peine, j'avais une femme, j'étais content, j'allais rentrer à l'université, elle avait une bonne job, ma vie semblait être correcte et suivre un déroulement normal et standard, mais non, c'était pas ça. Dieu avait d'autres plans. Donc on a commencé donc à fréquenter une petite communauté qui se ressemblait ici dans Schlager-Maisonneuve, qui s'appelait la Persévérance, l'Église de la Persévérance, où Daniel Genet était pasteur. Et puis, on a suivi un peu, donc on a commencé à l'église, hein, à marcher. J'ai fait un bac en théologie dans l'objectif de pouvoir implanter une église et de pouvoir démarrer le ministère. Très, très jeune, dans la première année, c'était très clair pour moi que je voulais aller travailler à plein temps pour Dieu. Jusqu'à ce que je comprenne que je travaillais à plein temps pour Dieu tous les jours. Ça y a pris 25 ans, 20 ans. Ça fait pas longtemps. Donc, c'est ça. Alors, c'est un peu ça. Aujourd'hui, ben on est ici suite au démarrage de l'implantation dans Schlager-Maisonneuve en 2004. On marche avec Dieu. On aime, Zion parce que c'est quelque chose qu'on fait en couple, Lynn et moi. Elle donnera son témoignage, mais c'est quelque chose qu'on fait ensemble et qu'on n'a pas l'intention de laisser tomber. C'est comme ça que Christ est venu sur ma route et qui m'a montré tout ce que j'étais et comment il m'a montré que j'avais pas de respect pour rien, mais je l'avais pas appris, donc c'était pas simple de respecter quand tout ce que tu apprends, c'est le non-respect. Donc j'avais du respect pour rien, même pas pour moi, même si j'avais une très grande estime de moi. En apparence, j'avais plutôt un complexe d'infériorité. Et tout ça. Donc, c'est comme ça que Christ a commencé à me transformer. Et c'est comme ça que ma conversion a débuté et qu'elle continue jusqu'à aujourd'hui. Alors, quelqu'un a une question? Manon. Ma question est pour Michel. Michel, j'ai pas entendu le petit début de la phrase. Venez voir un homme qui, trois petits points, y avait-tu un titre à ton témoignage? Ça s'en vient. Non, il n'y en avait pas. Non. C'est ça. Non, il n'y en a pas parce que pour moi, le cheminement de la foi, moi, la rencontre avec Jésus, je la fais à tous les jours. Et à tous les jours, il me dit quelque chose. Et donc, là, je vous ai raconté un cheminement passé. Si j'entrais dans les comment aujourd'hui, je me situe beaucoup à peu près à la même place qu'elle, ou en tout cas pas bien bien loin, sur les réflexions en rapport avec l'Église et le christianisme et tout ça. Donc, venez voir un homme qui, à tous les jours, change ma vie. Ça serait ça, mais c'est ça. Mais, et aujourd'hui, il m'empêche de dormir. Là, ça fait 2 jours que je dors plus, que j'écris, que je fais juste écrire. Là, viens voir un homme. C'est ça. Viens voir un homme qui m'empêche de dormir. Je peux pas lui attribuer ça. Donc, c'est ça. Alors, c'est ça. All right. Alors, grâce, bon diagnostic.